direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Et avec moi, ben, maintenant, on continue les grandes entrevues. Et avec moi, ben, j'ai l'instructeur des gardiens de but du Wild du Minnesota, qui est natif d'Héberville Station, Frédéric Chabot. Parlons un peu de son parcours, qu'est-ce qui l'a mené jusque-là. Salut Frédéric! Salut Danny! Frédéric, d'abord, la première question que je pose toujours à mes invités, à quel moment tu as commencé à jouer au hockey? Ou que tu as eu la piqûre pour le monde du hockey? Je viens d'une grande famille à Héberville Station, je suis le bébé de 11. Okay. Donc, j'ai trois frères, sept sœurs, tout le monde est actif, tout le monde est sportif. Puis j'ai été un mordu du sport à un très jeune âge. Chez nous, on faisait une toute petite patinoire à côté de la maison quand j'étais petit, disons avant que j'ai 5-6 ans. Fait que j'ai appris à patiner là-dessus un petit peu. Puis après ça, j'ai commencé à la patinoire de la municipalité. Puis j'ai vu mes frères jouer au hockey, puis j'ai regardé le Canadien en télévision. Fait que c'est comme ça que j'ai eu la mordure de comment je dirais okay. ça, que j'ai été initié au hockey. Le hockey compétition, vraiment, le hockey que tu as commencé, c'était à quel âge? À peu près 5-6 ans, 6-7 ans? Le hockey compétition, non, j'ai comme... Héberville Station, on jouait dehors quand j'ai commencé. OK. Fait que ma première année, j'ai joué dehors avec des petits gars qui avaient 2-3 ans plus vieux que moi. OK. J'ai pas joué beaucoup, là. Je devais avoir 7 ans. Là. C'est des matchs, après, des matchs de village qu'on appelle, hein? C'était-tu des matchs contre Saint-Bruno, contre Larouche? C'était-tu ça un petit peu, Héberville? Ouais. C'est ça, on était bien, Métabetchouan. OK. On n'était pas très bons, mais on avait du fun. Puis après ça, ben, on jouait à la patinoire en masse, là. On passait toute notre temps à la patinoire qu'on pouvait y aller, là. Puis on jouait au hockey dans la rue. Après ça, peut-être l'année d'après, je pense que j'ai pas joué dans un club organisé. J'ai joué dehors. Puis deux ans après ça, j'ai commencé à jouer au hockey mineur à Saint-Bruno. OK. OK. Puis c'est-tu là qu'on t'a vu comme gardien de but? C'était-tu là que vraiment gardien de but, ton talent est là ou t'étais à l'aile déjà? Non, au début, je jouais à toutes les positions. Je jouais surtout à la défense. OK. Je pense que j'avais quand même assez de succès à la défense, mais. J'étais passionné pour les gardiens de but, j'appelais mes parents, puis mon coach pour pouvoir goaler. Puis mon instructeur, c'était le frère à la blonde d'un de mes frères. Okay. Avant de me mettre dans les buts, ben, il a comme demandé la permission à mes parents et à mon frère de voir si c'était correct de me mettre dans le but. Puis on dit non, pas de problème, il veut goaler, laisse-les goaler. Puis. À ce moment-là, j'ai eu du succès tout de suite. Là. Ça a bien été tout de suite. Fait qu'ils m'ont laissé dans les buts. Puis à partir de ce moment-là, j'étais un gardien de but. OK. Puis là, par la suite, c'était quoi? Tu étais allé à Saint-Bruno dans le hockey mineur, dans le Bantam. Puis oui, quoi? Tombe à Saint-Bruno. Après ça, même si j'avais l'âge à tombe, j'ai joué un an, puis oui. OK. À Saint-Bruno, où ce que je séparais le travail de gardien de but avec un autre gardien de but, puis on séparait la job. Là. Quand on goalait pas, on jouait. Fait que okay. C'était vraiment le fun. On participait tout le temps. Je pense que c'est un bon outil de développement qui devrait être utilisé beaucoup. Là, le petit gardien de but, quand il est jeune, qu'il s'assoit sur le banc, ça n'a pas d'allure. S'il ne goal pas, il devrait jouer. Ben oui, c'est sûr. Puis, à partir de l'année d'après, ma première année Pee-Wee, j'ai commencé à jouer là, dans le double lettre, là, à Metabetchouan avec les SS Pee-Wee, puis après ça, l'ACL Bantam. Puis, rendu à l'âge de jet, je suis allé à Alma. À l'Alma. Donc, t'as pas joué avec les élites, dans les élites de Ville-Saguenay. C'était les Cascades à l'époque. T'as pas joué avec eux autres? Ça n'existait pas, OK. Okay. Donc là, les Voltigeurs de Drummondville t'ont vu à Alma, c'est ça? Oui, ils m'ont peut-être vu au championnat provincial. Là, on a eu la chance d'y aller deux fois là, avec mes équipes que j'ai jouées au Lac-Saint-Jean. OK. Puis, à l'âge midget 3A, il n'y avait pas d'élite ou de cascade. Là, fait que j'ai joué à Québec. Puis, j'ai eu une grosse saison. Puis, les Voltigeurs ont décidé de m'offrir un contrat durant ma saison midget 3A. Là. OK. Première saison, évidemment, tu as joué t'as 62 matchs en 86-87, moyenne de 5,1. Et par la suite, deuxième saison avec les Voltigeurs, 4,34. Et par la suite, tu t'es expatrié dans l'Ouest. Pourquoi tu t'es expatrié dans l'Ouest, hein? Ben, ce qui est arrivé, c'est que dans ce temps-là, c'est encore la même chose aujourd'hui. Il y avait une limite de 3 joueurs de 20 ans. OK. Moi, j'avais été repêché par New Jersey quand je jouais Midget 3 à Québec. J'avais joué Midget 3 à 17 ans. OK. Donc, à la fin de mon année de Midget 3, j'étais éligible pour le repêchage, puis j'avais été repêché. OK. J'appartenais à New Jersey. Après mes 2 années à Drummondville, eux autres, ils pensaient là, que j'allais probablement joué professionnel, là, fait qu'il avait déjà signé 3-20 ans. Avec New Jersey, quand je suis arrivé là, il y avait 4 gardiens, puis les 4 avaient de l'expérience dans la Ligue nationale. Okay. Fait qu'il n'y avait pas de place pour moi, donc, puis il n'y avait pas de place à Drummondville, fait que je leur ai demandé de me trouver une équipe dans l'Ouest pour pouvoir aller jouer au hockey junior de l'Ouest, qui avait une bonne réputation à ce moment-là, puis pour apprendre l'anglais aussi. 4,94 pourcentage d'arrêt avec Prince Albert, avec Moose Jaw. Et dans la même année, tu as été échangé avec Prince Albert, quoi? Tu avais été échangé? Oui, à Noël, quand je suis allé à Moose Jaw, là, c'était une équipe du bas fond de la ligue. Puis j'avais eu du succès un petit peu contre certaines équipes, des meilleures équipes comme Prince Albert, où Mike Modano jouait. OK. Puis, à ça, il y avait de la difficulté dans les buts. Fait qu'à Noël, après Noël, il était venu me chercher. OK. Échangé, donc, 10e choix repêchant des Devils du Jersey en 1986. Est-ce que tu t'attendais vraiment à être repêché par les Devils si ça avait été une surprise? Choix de 10e ronde. Donc, souvent, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 9 rondes aujourd'hui ou même c'est 7 rondes aujourd'hui. Donc, est-ce que tu t'attendais vraiment à être repêché à l'époque? J'avais eu vraiment une saison fantastique. Là. J'avais gagné des honneurs individuels dans la Ligue Midget 3A pour le championnat canadien. On avait gagné la Ligue, là, la saison et les séries. Le championnat canadien, on avait fini, je crois, 2e ou 3e. Fait que les dépisteurs, on avait dit que c'était possible, donc j'y croyais. Okay. J'avais pas encore joué junior, fait que c'était un petit peu surprenant, là, mais aujourd'hui, dans le hockey d'aujourd'hui, je me ferais pas repêcher, vu qu'il y a juste 7 rondes. Mais t'es un petit gardien de but, 5-11, on te regarde même pas. À 5-11, on te regarde même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en bas de 6-1, il faut que tu sois vraiment extraordinaire pour qu'il te regarde. Oui, c'est ça. C'est triste un peu. Donc, tu avais été par la suite avec les Canadiens de Fredericton, les Canadiens de Sherbrooke. Est-ce que tu avais été, si je me rappelle bien, je pense que tu avais été agent libre. Hein? On t'avait pas signé au New Jersey, est-ce que je me trompe? Ce qui est arrivé avec New Jersey, vu qu'il n'y avait pas de place pour moi, ils avaient décidé de racheter mon contrat qu'ils m'avaient donné. Puis là, j'étais allé dans l'Ouest, puis j'avais eu une pas pire saison. J'avais été sur la deuxième équipe d'étoiles. Puis l'été d'après, ben je me cherchais un essai dans la Ligue nationale. Avec l'aide de mon agent et de Mario Tremblay, j'ai réussi à avoir un essai avec le Canadien. Okay. Puis à partir de là, ben j'ai fait ma place. Est-ce que c'est les mêmes années que Racicot et Jean-François Bergeron? Est-ce que t'étais, parce que tu as joué avec les Canadiens de Sherbrooke, les Canadiens de Fredericton, puis dans ces années-là, c'était André Racicot et Jean-Claude Bergeron qui étaient les adjoints. Est-ce que c'était dans ces mêmes années-là, oui? Oui, en même temps. Okay. Eux autres, ils sont arrivés à Sherbrooke un an avant moi. OK. Puis, parce que moi, j'ai joué 20 ans dans l'Ouest. Eux autres, ils n'ont pas joué 20 ans, je crois. Okay. Puis à ce moment-là, ben, je me suis mis à me battre avec eux autres là, pour le temps de glace. Jean-Claude et André faisaient un travail fantastique. Là. Ils avaient gagné chacun leur tour le meilleur gardien de la Ligue américaine. Mm. Puis à ce moment-là, ben, la compétition était féroce, mais on était bien coaché par François Allaire, puis on se développait. Puis je pense qu'on a tous eu un bon cheminement. Là. OK. Par la suite, donc les Canadiens, ensuite de ça, tu es dans l'organisation des Flyers, tu as participé à 4 matchs, et ensuite l'aventure de la Ligue internationale. Faut dire que dans ce temps-là, la Ligue internationale, c'était quand même assez fort. Je veux dire, oh oui, il y avait les Rafales. Ces années-là, il y avait les Rafales de Québec. Je ne m'abuse. Oui. Okay. Oui, il y avait les Rafales, peut-être 2 ou 3 ans de temps, je crois. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. La Ligue internationale, pendant longtemps, c'était la Ligue sœur de la Ligue américaine. Ouais. Donc, c'était 2 ligues pratiques. Il y avait peut-être 17 clubs dans la Ligue américaine, puis 14 dans la Ligue internationale. Là. C'est pas mal séparé à moitié-moitié avec les clubs de la Ligue nationale. OK. Puis, c'est pas rien que ça. La Ligue internationale, dans le temps, c'était plus les vétérans. La Ligue américaine, c'était plus les jeunes. C'était 2 circuits complètement différents. Aussi, tu reviens avec l'organisation du Canadien. En 97-98, tu avais joué 12 matchs avec les Kings. Et par la suite, tu reviens avec l'organisation du Canadien 11 matchs. Qu'est-ce qui s'était préparé pour en 98? C'est dur à dire. Là. J'étais un petit peu surpris quand ils ont refait mon acquisition. Okay. Je pense qu'à ce moment-là, le Canadien se cherchait un petit peu plus de profondeur. Et c'était le début de la carrière à José Théodore. Ouais. Bon, José était un très bon gardien, mais il commençait, puis il voulait que José joue plus de matchs au lieu d'être juste assis sur le banc à Montréal. Okay. Ils ont fait mon acquisition. José a commencé l'année dans la Ligue nationale. Il jouait pas beaucoup. L'équipe allait pas bien. Fait qu'ils ont décidé de retourner José dans la Ligue américaine pour qu'il puisse jouer plus, puis participer aux séries. Puis moi, j'ai fini la deuxième moitié de saison avec le Canadien à ce moment-là. OK. Et par la suite, donc 62 matchs avec les Arrows, 47 par la suite. Et là, arrive la Ligue américaine, tu t'en vas en Europe. Est-ce que c'était parce que la Ligue internationale a cessé ses activités? Ça devait être pour ça, hein? En 2000, ça tombe pas mal dans ces années-là que tu mets le cap sur l'Europe? Oui, c'était en même temps, mais c'est que j'étais un peu tanné d'être le... Le second? Le numéro 3, là, qui se promenait d'aller-retour avec les mineurs, puis j'étais pas satisfait à ce moment-là, je croyais que j'avais pas assez eu ma chance. Mm. Puis c'était le temps de tourner la page, puis d'aller vivre d'autres choses. Là. Fait que je suis allé en Europe, puis j'ai joué là 5 ans. C'est vraiment une belle expérience. Qu'est-ce qui t'a manqué, d'après toi, pour réussir la Ligue nationale? T'aurais pu être peut-être pas un numéro 1, mais un numéro 2 dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est la confiance d'un entraîneur? Souvent, c'est juste ça de souvent, hein? Avec du recul, tu vois que, regarde, j'ai fait de mon mieux, j'ai travaillé fort, j'ai performé à certains moments, puis il y a des moments que j'ai pas assez bien performé, mais en tout et pour tout, je suis content de la carrière que j'ai eue, puis ce qui me manquait, ben, il manquait peut-être un petit peu de grandeur et grosseur, il me manquait peut-être un petit peu de talent, hein, il me manquait peut-être un petit peu de, je sais pas, au moins ça devait être la capacité de performer au niveau de la Ligue nationale là, avec constance. Yeah. J'ai réussi à le faire partout ailleurs, mais dans la Ligue nationale, j'ai pas eu la chance, mais aussi peut-être que j'ai pas assez bien fait un bon travail quand j'étais là. OK. L'Europe, c'était une belle expérience, l'Europe, pour toi? Oui, c'était fantastique, l'Europe. Là. C'était une chance pour moi de continuer à faire des bons salaires, puis de faire vivre à mon épouse puis mon garçon une expérience de vivre dans d'autres pays, d'apprendre d'autres langues, de voir d'autres façons de vivre. On a visité, pendant qu'on était là, on a visité plusieurs pays, on a visité Belleville. C'était vraiment là un beau trip qui a duré 5 ans. Là. OK. Et donc, et par la suite, donc, et ta carrière de joueur s'est terminée. Frédéric Supermann, on va faire une pause. Je veux te parler de la carrière d'entraîneur maintenant des gardiens de but. Tu es entraîneur chez le Wild du Minnesota. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Frédéric Chabot des Bervues Stations sur les ondes de danadosport.com. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. De Météo GBL profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On est de retour à danadosport.com avec Frédéric Chabot. Frédéric, le coaching, ça a venu comment? L'idée de coacher? Bon, ça a commencé très jeune. Quand j'étais, je commençais à garder les buts, j'ai eu la chance de participer à une école de hockey à Alma, qui était, je me rappelle pas qui était en charge de l'école de hockey, mais le gars qui était en charge de gardien de but s'appelait Guy Lapointe. Guy Lapointe est un passionné. Et il nous faisait vraiment triper là, pendant une semaine gardien de but. On apprenait à garder les buts. On faisait des tests sur la glace, hors glace. Il était vraiment en avant de son temps. Là. Il nous montrait des vidéos. On arrivait dans la chambre de hockey. La chambre était décorée avec des fausseurs de gardien de but. C'était vraiment là, une belle semaine. Là. Puis, à ce moment-là, plus tard, dans mon adolescence, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je me suis impliqué dans les écoles de hockey pour transmettre mes connaissances. Puis l'été, ben quand je jouais junior, c'est pour gagner des sous un peu. Puis ça me donnait la chance d'être sur la glace puis de partager ce que je connaissais puis ce que je vivais. Fait que j'ai pogné la piqûre quand même assez tôt. Puis ça a continué après là avec quand j'ai commencé à travailler avec François Allaire. Je n'ai appris encore plus. Puis j'ai eu la chance de pouvoir partager ça là, depuis ce temps-là. OK. Donc, ta première chance, tu l'as eu quand? Avec les Oilers d'Edmonton? Mais quand j'ai arrêté de jouer, tout de suite, j'ai appelé des entraîneurs avec qui j'avais travaillé en Europe puis avec Hockey Canada. Puis, j'ai commencé à avoir des petits jobs à gauche puis à droite. À Québec, je m'impliquais beaucoup là, dans le hockey mineur, les écoles de hockey, les cours privés, les programmes sport-études. Parce que fallait que je continue à gagner ma vie. Donc, tu peux gagner ta vie là-dedans, faut que tu sois occupé, là, quasiment à 12 mois par année. Puis, fait que je me promenais entre l'Europe puis le Québec. Puis, je commence à me faire des contacts. Puis, j'ai été chanceux. Ça a bien été en partant. J'ai eu du succès en Europe. Ça a bien été avec Hockey Canada. Puis, rapidement, là, j'ai eu des offres de la Ligue nationale. Puis, j'ai signé avec Edmonton. OK. Puis, ça a bien été. Puis, par la suite, maintenant, tu t'es avec le Wild du Minnesota. Qu'est-ce qui t'a amené au Minnesota? C'était la fin de ton contrat, quoi? Ouais, ben après 5 ans et demi, ça allait pas bien. Là. Ça a bien été les 3-4 premières années à Edmonton. Puis après ça, il y a un changement de gérant général, plusieurs changements de coach. Les choses se sont détériorées. Puis j'ai été remercié. Okay. Puis fait que je regarde mon expérience là-bas, puis ça a été difficile, c'est un environnement qui était tough parce qu'on n'était pas très bon, puis les gardiens étaient sous pression tout le temps. Mais de mon côté aussi, ça a été tough là, d'apprendre à travers tout ça. Là. Ça m'a forcé à prendre la maturité rapidement, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Fait que quand j'ai eu l'opportunité d'embarquer dans l'organisation du Wild, j'ai eu le travail de m'occuper des jeunes, du développement. Puis ça, depuis 5 ans, là, ça allait de mieux en mieux. Le Wild, depuis un an ou deux, ça allait moins bien. Fait que l'été dernier, ils ont décidé de faire un changement, puis ils m'ont donné l'opportunité à moi là, de revenir dans la Ligue nationale. OK. Ça n'a pas été facile à Edmonton. Ça fait des années que les Oilers, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a du talent pourtant dans cette équipe-là. On dirait que le Gillo ne veut pas prendre. C'est incroyable. Ben, c'est pas facile de gagner dans la Ligue nationale. Ouais. Y a, chaque année, il y a juste une équipe qui gagne et les 30 autres ont perdu. Là. Mm-hmm. Puis à Edmonton, c'est sûr que depuis, disons, 3, 4, 5 ans, là, leur équipe est de mieux en mieux. Mais encore là, sont comme les autres, là. C'est vraiment pas facile de faire les séries. Puis une fois que tu as fait les séries, c'est vraiment tough d'aller jusqu'au bout. Là. OK. Frédéric, en terminant, tu reviens-tu souvent au lac Saint-Jean? Est-ce que tu viens tous les étés? D'habitude, oui. Cette année, c'est un peu débile comme environnement. Là. Mais d'habitude, j'y vais au moins deux fois par été. Puis je passe mon été à Québec. Okay. On a une maison là, juste à Rive-Sud, là, à Lévis. Okay. Puis je passe mon hiver ben, sur la route. Puis cet hiver, ben, je vais être au Minnesota. Ça n'a pas été facile hein, cette année avec le COVID. Hein? Mais pas de savoir, là, au moins, ce qu'on lance le podcast, c'est maintenant terminé. Donc, on va savoir que c'est le 13 janvier que ça décolle. C'est pas facile non plus là, pour les gens qui sont dans le domaine du hockey. Ah, oh, ben, c'est pas facile pour personne. Là. Comme moi, là, ma mère est encore vivante, elle est au Lac-Saint-Jean, dans une résidence pour personnes âgées. Puis, dans le dernier 18 mois, là, je l'ai vu deux fois. Okay. J'aimerais bien. Frédéric, m'a souhaité joyeuses fêtes, une bonne année, beaucoup de santé et au plaisir. Très content d'avoir fait ta connaissance, au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci Danny, joyeuses fêtes à vous autres aussi, puis salut à tout le monde au Lac-Saint-Jean. Frédéric Chabot du Wild du Minnesota.